de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Isabelle Simonin. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, je vais bien, merci, et vous ? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors je suis Isabelle Simonin, je suis directrice à la Fédération Médico-Sociale FMS, donc c'est une association de loi de 1901 qui intervient donc sur tout le département des Vosges et est implantée également sur la région Grand Est. Donc la FMS accompagne aussi bien des enfants que des personnes en situation de handicap, insertion, demandeurs d'asile, réfugiés, un peu tout public. Elle répond aux besoins donc sur le territoire. Pour ma part, donc je suis directrice des ATE Flore et Bois, donc c'est l'accompagnement de 132 travailleurs en situation de handicap sur 3 sites sur le département des Vosges. Donc un Darnay, un Saint-Nabor et une antenne qui est rattachée à Saint-Nabor à qui se trouve à Fraise. Ces 3 sites, c'est l'accompagnement donc de personnes en situation de handicap sur multi-activité pour répondre à leurs besoins en fait. Et depuis quand ils existent les 3 ESAT ? Alors le plus ancien c'est celui de Darnay, 1975 avec la loi donc de 75 avec la création anciennement donc les ESAT c'était des CAT, centres d'aide par le travail, et aujourd'hui c'est des établissements et services d'aide par le travail, et demain ça va encore changer d'acronyme. Nous sommes en grande transformation, donc Darnay 1975, Saint-Nabor 1992 et Fraise pour répondre à un besoin donc côté Alsace en 2005. Et quel est votre rôle au sein de cette structure ? Vous êtes sur quel site, vous ? Alors moi, je suis sur les 3 sites. Donc en fait, initialement, c'était les ateliers du Bois Joli et Darnay, la porte de la forêt, étaient deux CAT, deux ESAT qui étaient distincts au sein de la FMS. Ils ont fusionné en 2015. Donc la volonté de la direction générale et du conseil d'administration donc de la FMS a été d'avoir une direction commune. Et donc j'ai été nommée en 2016 directrice des 3 sites pour pouvoir donc uniformiser les pratiques et puis mettre en place un projet d'établissement commun. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler là-bas ? Alors, je suis à la FMS depuis 2006, donc j'ai travaillé dans la protection de l'enfance, dans l'insertion, gens du voyage, difficultés, accompagnement RSA. Et donc, un nouveau schéma directeur a été défini en 2016, et donc j'ai été promue pour pouvoir mettre en place nouveau projet de l'ESAT Flore et Bois. Est-ce que vous avez un diplôme ou suivi une formation pour travailler dans un ESAT ? Alors tout à fait. Donc à mon arrivée en 2006, donc à la FMS m'a accompagnée donc dans une licence en management des structures médico-sociales que j'ai obtenue en 2011. Et donc suite à ma promotion donc en tant que directrice sur les ESAT Flore et Bois en 2016, j'ai commencé donc un diplôme universitaire et une certification professionnelle que j'ai obtenue en 2019. Et c'est quoi un ESAT ? Établissement et services d'aide par le travail. Et c'est pour les personnes en termes de handicap, ouais. Exclusivement ? Oui, personnes en situation de handicap, oui, qui sont reconnues donc par la MDPH. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre profession ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc c'est du management d'équipe, et surtout aujourd'hui du management de projet, car le monde du médico-social est en train de se révolutionner, et donc les ESAT sont en cours de transformation. Nous avons un décret qui est sorti en décembre 2022, c'est le plan de transformation des ESAT, et de demain, je suis en train de construire les ESAT de demain pour favoriser en fait une dynamique de parcours cours pour les travailleurs des ESAT, fluidifier tout ça, renforcer leurs droits et leur pouvoir d'agir et accompagner le développement de l'ESAT, favoriser la montée en compétences des travailleurs, leur employabilité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter dans ce domaine ? Est-ce que c'est le fait de travailler dans le social ? Ah oui, oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ? Tout. Le contact ? Le contact. Le contact et de voir comment que nos travailleurs peuvent nous renvoyer en fait notre accompagnement. Ils ont un sens du travail qui est unique et c'est une fierté de les voir évoluer et de pouvoir répondre à leurs besoins. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées types ? Vous faites quoi ? Alors une journée type, ça va être j'arrive le matin, donc c'est le contact avec les équipes. Donc les équipes, c'est aussi bien les professionnels que les travailleurs. C'est très très important, des échanges. Ça peut être des interpellations par rapport à des difficultés ou des inquiétudes. Donc on est là pour les orienter et puis pour éviter qu'ils se posent trop de questions et qu'ils puissent avancer dans leur journée sans difficulté. C'est-à-dire qu'on adapte leur poste de travail, par rapport aussi à leur état d'esprit, hein, comme ils peuvent arriver le matin. Et donc, le management d'équipe aujourd'hui fait que je les accompagne dans le changement, car on est vraiment dans le changement de pratiques professionnelles. Et donc, il faut rassurer des équipes parce que le changement fait toujours peur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos collaborateurs ? Alors, mes collaborateurs, donc principalement, donc ce sont des moniteurs d'atelier. Hein, voilà, les moniteurs d'atelier qui accompagnent au quotidien donc les travailleurs sur leur activité. C'est-à-dire qu'un moniteur d'atelier a une double casquette. Il a une casquette, donc je dois assurer une production, un atelier, une activité, un chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, je dois accompagner les travailleurs. Donc, il y a la notion de référent, hein, voilà, qui ressort par rapport à la loi sur le handicap médico-social, que on a un coordinateur de parcours, voilà, qui favorise voilà le parcours professionnel des travailleurs, qui recense les besoins, qui fixe des objectifs, qui évalue les objectifs en lien avec le moniteur d'atelier pour pouvoir donc répondre aux besoins et les faire évoluer. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler des différentes activités des ESAT. Mm-hmm. À tout de suite sur Radio Gémozo. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show. Into my wishful eyes, that fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Isabelle. Quelles sont les différentes activités au Fleurs et Bois de Saint-Nabord ? Alors, les activités sur le site de Saint-Nabor, donc l'activité principale, c'est l'atelier bois, donc c'est la fabrication de palettes. Nous avons également une activité de recyclage bois qui permet d'assurer donc le circuit du bois. Nous faisons de la prestation de services et de la sous-traitance industrielle, donc chez différentes sociétés comme la société Lormedo ou l'entreprise D.S. Smith. Et nous avons une équipe d'espaces verts, voilà, pour de l'entretien des espaces verts. Et nous avons une microbrasserie qui fabrique de la bière artisanale. Et justement, quel genre de bière est-ce que vous fabriquez? Est-ce que c'est de la blonde, de la blanche, de l'ambrée? Alors, les plus anciennes sont la bière noire, la bière blonde et la bière ambrée. Depuis 2017, nous avons donc créé une blanche, voilà, pour ouvrir notre clientèle sur la femme. Et nous sommes en cours de commercialisation d'une bière rouge. Est-ce que vous avez un petit logo représentant les SAT sur les bières? Alors, on n'a pas de logo spécifique pour les bières. Par contre, nous avons une page Facebook qui est Brasserie Les Ateliers du Bois Joli. Donc, je vous invite à y aller. Donc, sur site, voilà, nous avons une ouverture. Vous pouvez venir donc acheter sur le site de Saint-Nabor vos bières. Alors, aussi bien en 33 centilitres qu'en 75. Et nous faisons également donc des fûts avec location de tireuses pour de grandes manifestations. Est-ce que c'est les travailleurs qui les vendent en particulier ou pas? Alors, c'est les travailleurs, mais il y a tout, voilà, nous avons toujours le moniteur d'atelier qui est là pour les accompagner et qui est d'ailleurs qualifié titre brasseur depuis 2 ans maintenant. Est-ce qu'on peut retrouver les bières dans les grandes surfaces aussi ou pas? Alors, on distribue dans les différentes grandes surfaces à proximité, donc comme le Cora, le Match, donc on peut les trouver là-bas. Et combien de personnes travaillent à Saint-Nabor? À Saint-Nabor, nous avons 71 travailleurs. Quelles sont les différentes activités de fleurs et bois de fraises? Alors, à fraises, c'est principalement donc de la prestation de services, donc aussi bien sur le site qu'en entreprise. Et combien de personnes y travaillent? Nous avons 11 travailleurs là-bas. Et quelles sont les différentes activités à Darley? Alors, sur Darley, nous avons une grande activité qui est la pépinière, l'horticulture et le maraîchage. Nous avons 2 équipes d'espaces verts. Nous avons un restaurant qui fait également traiteur. Et nous faisons de l'entretien des locaux et une prestation de service en blanchisserie. Et comment vous orientez les travailleurs dans les différents secteurs que vous proposez? Alors, initialement, ils sont orientés sur une activité en fonction de leurs souhaits, de leur et de leurs capacités. Donc, un travailleur peut intégrer les SAT à 20 ans. Il est orienté donc par la MDPH. En amont, quand on peut travailler le projet, donc ils effectuent des stages en fait sur différentes activités pour voir où c'est qu'ils sont à l'aise et puis ce qu'ils veulent faire. Et on essaie de répondre au mieux à leurs besoins et à leurs projets professionnels. Est-ce que vous recevez tout type de personnes atteintes de handicap ou pas? Non, pas tout type. Nous avons un agrément pour de l'handicap, donc déficience intellectuelle, handicap psychique et autiste. Est-ce qu'il y a des postes adaptés en fonction des handicaps des travailleurs à l'ESAT, que ça soit à Dré, à Fraise ou à Saint-Nabor? Alors, sur les 3 sites, tous les postes sont adaptés en fonction du handicap du travailleur. Et comment ça se passe, l'intégration dans un ESAT? Donc, l'intégration, donc, comme je vous expliquais, donc à 20 ans, hein, voilà, ils peuvent intégrer l'ESAT ou voilà, ils peuvent intégrer l'ESAT aussi en plein dans un parcours de vie, voilà, où c'est qu'il peut arriver que voilà un accident ou autre chose qui fait qu'ils sont orientés chez nous. Et une fois qu'ils sont intégrés, voilà, ils ont un projet professionnel qui est étudié donc tous les ans. Et on essaie de répondre au mieux à leurs demandes. Et comment sont rémunérés les travailleurs dans les ESAT? Alors les travailleurs en ESAT, donc ils ont une rémunération garantie donc de l'ESAT, voilà. Et ils ont également une allocation adulte handicapé. Et c'est quoi l'allocation adulte handicapé? Donc c'est une allocation qui est versée par la caisse d'allocation familiale et qui est calculée en fonction donc de leur handicap. Voilà, chaque personne ne va pas toucher la même allocation tous les mois. Du coup, est-ce que vous avez aussi des contacts avec la maison départementale des personnes handicapées? Ah oui, oui, oui, très régulièrement. Et ça se passe comment? Ça se passe très très bien. C'est très, voilà, le partenariat aujourd'hui est indispensable pour pouvoir répondre aux besoins des travailleurs. Donc, que ce soit la MDPH ou d'autres ESAT ou d'autres partenaires, la priorité aujourd'hui, voilà, c'est le partenariat. Et comment est-ce que vous accompagnez une personne atteinte de handicap dans un ESAT? On l'accompagne en fonction de ses capacités et puis de ses envies et de ses souhaits. Hein, voilà, un travailleur en ESAT, notre mission principale, c'est de pouvoir l'orienter vers le milieu ordinaire. Donc, c'est en lien avec le plan de transformation des ESAT qui est en cours d'installation. Chaque travailleur, chaque accompagnement est personnalisé et on essaie de répondre au mieux à leurs demandes. Est-ce que toutes les personnes atteintes d'un handicap peuvent travailler que dans un ESAT ou ils peuvent travailler dans un autre secteur d'activité ? Alors, avant ce décret de décembre 2022, ils avaient une orientation en ESAT, donc ils travaillaient en ESAT ou dans un autre ESAT. Hein. Et aujourd'hui, ils peuvent cumuler, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler à 50% en ESAT, 20% en entreprise adaptée et 30% en milieu ordinaire. Donc on doit développer nos partenariats avec toutes les entreprises, avec les entreprises adaptées, les chantiers d'insertion, pour pouvoir favoriser leur parcours professionnel et qu'ils soient intégrés de plus en plus dans le milieu ordinaire de travail. C'est quoi comme type de contrat de travail? Parce que je suppose qu'on ne parle pas de CDD ou CDI. Non, du tout. Ils n'ont pas de contrat de travail. Ils ne dépendent pas du code du travail par rapport au contrat. Ils ont un contrat d'aide et de soutien par le travail qui définit donc l'engagement hein, qu'il peut y avoir avec les ESAT. Mais non, ils n'ont pas de contrat de travail. Ils dépendent du code du travail juste pour tout ce qui est maladie et médecine du travail. Donc je suppose en fonction du handicap, ça dépend si c'est du temps partiel ou temps complet, parce que certains handicaps peuvent pas être forcément à temps complet. Tout à fait, tout à fait. Nous en avons qui sont à 50%, alors qui arrivent à 50% parce que c'est demandé comme ça, qui peuvent évoluer à 100%. Et nous en avons nos anciens là, voilà, qui sont sur le départ en retraite, qui passent à 50% pour préparer la retraite tout doucement, et voilà. Comment la MDPH les oriente vers vous? Comment est-ce qu'ils prennent contact avec vous? Parce qu'une personne atteinte de handicap ne sait pas forcément ce qu'elle veut faire, en fait. Alors, la meilleure des situations, c'est les jeunes. Hein. C'est les jeunes donc qui, avant 20 ans, peuvent préparer leur intégration en ESAT. Donc, il y a des évaluations qui sont faites lors de stages. Et donc, ça permet de voir si c'est des profils qui doivent être orientés en ESAT ou pas. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de l'actualité des fleurs et bois. On vous laisse avec James Young et Slimane. On se retrouvera juste après sur le 107. Meet me at the bottom of the ocean.

Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Isabelle. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. C'est quoi l'actualité de Fraisebois, de Saint-Nabor, de Fraise et de Darlet? Alors, l'actualité principale aujourd'hui sur les ESAT, hein, les ESAT au niveau national, c'est le décret qui est sorti donc en décembre 2022. C'est le plan de transformation des ESAT. La révolution, en fait, sur le secteur médico-social fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a une évolution et dans l'accompagnement donc des travailleurs qui sont orientés en ESAT. Donc, ce plan est construit sur trois axes. Le premier axe, donc, c'est pour favoriser donc la dynamique de parcours, en fait, des travailleurs en situation de handicap. Donc, les principaux mots-clés, on va dire que ça va être compétences, formation, expérience professionnelle, inclusion professionnelle, et les tendre vers le milieu ordinaire de travail et éviter la stigmatisation qu'on peut avoir aujourd'hui sur le handicap. Avec une sécurisation de leur parcours, c'est-à-dire que un travailleur des ESAT pourra aller travailler dans un milieu ordinaire et s'il rencontre des difficultés ou si ça ne convient pas, il pourra réintégrer les ESAT. Il aura donc une sécurité dans son parcours. Le deuxième axe, donc, c'est le renforcement de leurs droits et de leur pouvoir d'agir. Donc, aujourd'hui, donc, un travailleur d'ESAT a droit à un repos compensateur quand il travaille sur un jour férié. Il a droit à l'accès à la formation. Donc, depuis 2017, ils ont un compte personnel de formation comme tous les salariés en entreprise. Ils vont pouvoir être inscrits à Pôle emploi, donc pouvoir bénéficier donc d'un accompagnement par le dispositif emploi accompagné. Et donc, il y aura également donc la mise en place d'une instance mixte, comme une commission santé, en fait, qu'on a dans les comités sociaux économiques des entreprises. Que là, voilà, ça sera une commission santé donc pour les travailleurs des ESAT, pour faire des propositions par rapport à la qualité de vie au travail, l'hygiène, la sécurité, et pouvoir faire de la prévention sur les risques professionnels. Le dernier axe, le troisième axe, donc, c'est l'accompagnement pour le développement des ESAT. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, la priorité aujourd'hui, c'est de développer nos réseaux et nos partenariats avec toutes les entreprises ordinaires et les entreprises adaptées, les organismes de formation, les chantiers d'insertion. Demain, les ESAT seront un plateau technique de formation, que ce soit en espace vert, en restauration. Voilà, je nomme ces activités parce qu'aujourd'hui, sur notre ESAT à nous, c'est ces activités. Nous avons déjà donc eu trois travailleurs, voilà, qui ont validé une reconnaissance des acquis d'expérience où nous mettons en place un plan de développement de compétences pour nos travailleurs, pour favoriser leur montée en compétences et leur employabilité sur le monde ordinaire du travail. Vous parliez de Pôle emploi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait vraiment orienter un travailleur dans un milieu ordinaire, qui s'y connaît vraiment en handicap ? Alors, nous sommes en cours de recrutement d'un conseiller en insertion professionnelle. Voilà, il y a l'appel à candidature qui est lancé, donc à vos CV, ceux qui sont motivés. Donc, le conseiller en insertion professionnelle aura cette mission, justement, de pouvoir accompagner les travailleurs qui souhaiteront pouvoir bénéficier d'une expérience dans le milieu ordinaire de travail. Donc, il faudra un suivi assez avancé. Tout à fait. Et c'est quoi les futurs projets pour les trois ESAT? Alors, nous sommes inscrits depuis fin 2021, donc la Fédération médico-sociale, mais principalement donc l'ESAT Flore et Bois, sur un projet européen. Donc la FMS, l'ESAT Flore et Bois, on représente la France, et nous sommes avec l'Espagne, l'Italie, la Finlande et la Roumanie, sur un projet européen dont l'objectif est l'analyse des pratiques dans l'accompagnement des jeunes adultes en situation de handicap, dans le cadre de la formation. Donc nous terminons ce projet donc en juin, et nous accueillons donc les différentes délégations du 12 au 15 juin, donc dans nos Vosges. Est-ce qu'une personne atteinte de handicap, si elle vous dit « moi j'aimerais travailler dans ce secteur-là », est-ce que vous lui permettez de par exemple faire un stage d'observation ? Ah tout à fait. On développe de plus en plus justement ces stages de découverte dans tous les milieux. On essaie de répondre au mieux, on essaye. Si ça va pas, après il y a une évaluation qui est faite de ces stages. Alors, donc en fait, il y a l'évaluation qui est faite par l'employeur, il y a une évaluation qui est faite par le coordinateur de parcours et il y a une auto-évaluation qui est faite par le travailleur. Et en fait, ces trois évaluations sont analysées ensemble pour voir si voilà, si il y a la capacité ou pas de pouvoir aller sur telle ou telle activité. Est-ce que vous avez des bons retours de ce procédé ou pas ? Oui, de très bons retours. Alors un exemple, voilà, sur le site de Saint-Nabor, nous avons un travailleur qui a fait un stage donc à la mairie de Saint-Nabor. Un premier stage initialement d'une semaine dans le cadre d'une validation de reconnaissance d'acquis d'expérience. Ce stage a été satisfaisant, donc il a renouvelé sa période de stage et peut-être que il pourra y retourner sur l'entretien des espaces verts. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux, Isabelle ? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc par rapport à notre brasserie, donc la brasserie des Ateliers du Beaujolais, nous avons une page Facebook. Sinon, vous pourrez trouver tout le détail de l'ESAT Fleurs et Bois sur le site de la FMS, Fédération Médico-Sociale des Vosges. Comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Par exemple, une personne atteinte de handicap aimerait rejoindre un de vos ESAT. Comment est-ce qu'il peut vous contacter ? Est-ce que c'est forcément la MDPH ou pas ? Ah non, ils peuvent postuler donc chez nous, hein, nous envoyer lettre de motivation CV ou venir directement à l'accueil. Voilà, ils sont accueillis. Nous étudions la candidature, il y a un entretien qui est mené. Et en fonction, voilà, si nous avons des postes à pourvoir, nous embauchons ou pas. C'est comme un entretien classique finalement. Ah, tout à fait. Ils sont intégrés comme toute personne lambda, pas de stigmatisation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à tous les ESAT ? D'avancer sereinement. Et de pouvoir continuer à répondre aux besoins des travailleurs en situation de handicap et pouvoir changer le regard qu'aujourd'hui beaucoup peuvent avoir sur le handicap. Parce que le handicap, ça se voit ou ça se voit pas, mais ça fait plein de choses en fait. À savoir que 80% des handicaps sont invisibles. Tout à fait. Cette émission est maintenant terminée. Isabelle, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Avec grand plaisir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde!